Plus jamais je ne rentrerai en scène. Je ne chanterai jamais plus. Plus jamais ces heures passées dans la loge à souligner l'œil et à dessiner les lèvres avec toute cette scintillance de poudre et de lumière. Plus jamais revêtir le strass, le pailleté du velours noir. Plus jamais cette attente dans les coulisses, le cœur à se rompre. Plus jamais descendre vers vous, venir à vous pour enfin nous retrouver. Écrire aujourd'hui est un moyen de continuer le dialogue. Précis, 27 avril 1997. Il était un piano noir. D'après les mémoires interrompues de Barbara. Chasse le chat. Adaptation Sophie Lem. Chasse. Devenir Barbara. Après avoir chanté Brassens, vous enregistrez fin 1960 des chansons de Jacques Brel. Et l'année suivante, Félix Martin, venu vous entendre à l'Écluse, vous demande d'être la vedette anglaise de son spectacle à Bobino. Bizarrement, je n'ai aucun souvenir de ce passage à Bobino, alors qu'il est très important pour moi. Je me souviens pourtant que j'emporte déjà mon tabouret de piano. Je le règle à une certaine hauteur, très précisément à 61 cm, ayant besoin pour chanter de me tenir très haute face au clavier. Les banquettes de piano ne se réglant jamais à 61 cm de hauteur, mon tabouret de piano sera le premier objet utilitaire et nomade que dorénavant j'emporterai toujours avec moi. Pour ce premier programme à Bobino, vous chantez Chapeau bas, dont vous êtes l'auteur, mais aussi la marche nuptiale de Brassens, les Flamandes de Brel, Veuve de guerre de Marcel Cuvelier. Mon mari est mort à la guerre, je venais d'avoir 18 ans, je fus à lui seule toute entière de son vivant. Mais un jour à la fête, on me compte à fleurette, peut-être qu'on n'aurait pas pu si je n'avais pas tant bu, mais j'avais bu. Et c'était le printemps, on a pu facilement devenir mon amant. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver, tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Mon amant est mort à la guerre, fond 19 ans, je fus à lui seule toute entière de son vivant. Mais quand j'ai appris ça, je ne sais ce qui se passa, je ne sais quelle folie, je ne sais quelle furie. En un jour, je pris 3 amants et puis encore autant dans le même laps de temps. Si ça devait arriver, c'est que ça devait arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Tous les 6 se sont morts à la guerre que font mes amants. Bientôt chez nous, il n'y aura plus guerre d'hommes vivants. Mais quand un seul restera, ben j'épouserai celui-là. On sera enfin tranquille jusqu'au jour où nos filles en seront aussi au moment de prendre des amants comme leur pauvre maman. Si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Tout dans la vie arrive à son heure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Il faut bien qu'on vive, il faut bien qu'on boive, il faut bien qu'on aime, il faut bien qu'on meure. Pour chanter Liberté d'Aznavour, j'ai envie d'être accompagnée par des tombas. Je n'ai malheureusement pas les moyens de m'offrir des percussions et je décide de m'accompagner moi-même en frappant le couvercle du piano avec mes mains. Je pense que Charles Aznavour n'a jamais beaucoup aimé cette version quelque peu dépouillée. Franchement, moi, ça m'a plu. Et si c'était à refaire, c'est comme ça que je la rechanterais. Le jour de la dernière, le très bon mais très gros pianiste de Félix Martin s'assied sur votre tabouret et le casse en deux. Quelqu'un vous offre alors un tabouret de dentiste. Ce tabouret, vous le ferez repeindre en noir mat et recouvrir de velours noir. Il ne nous quittera jamais plus. Je reçois un jour une lettre de Hubert, mon amant d'Abidjan, avec qui je vis des amours tumultueuses. Il revient à Paris pour peu de temps. Des étreintes, des tangos, des orages. Il repart en me demandant de venir vivre avec lui à Abidjan. Après avoir difficilement négocié avec l'Écluse, je pars le rejoindre. Quelque temps plus tard, l'Écluse télégraphie, il faut que je rentre. Déchiré, je nous sépare encore une fois. Dans l'avion, une petite musique et 4 phrases. Arrivé à Vitruve, j'écris. Puis je déchire et je jette les pages de mon cahier d'écolière comme chaque fois que je compose une chanson. Sur mon vieux magnétophone, dis quand reviendras-tu, prends forme. Vous ne connaissez toujours pas le solfège. Mais je crois que ce qu'on appellera plus tard votre style, c'est cette couleur pianistique due à votre méconnaissance de la musique. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai. Je reprends mon tour de chant à l'écluse et je chante. Dis, quand reviendras-tu pendant un an sans oser dire que j'en suis l'auteur. Je n'avais jusqu'à ce jour interprété que des chansons d'amour composées par des hommes. Je peux enfin chanter l'amour comme une femme. Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe. Si elles disent la même chose, les chansons d'amour écrites par des hommes ou par des femmes le disent de manière bien différente. Tout le temps perdu. Plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme une rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Par téléphone, vous faites entendre à Hubert cette chanson écrite pour lui, il revient. Il veut vous trouver un appartement à Paris avant de repartir pour Abidjan. Ce sera rue de Rémusat, à proximité du pont Mirabeau. Nous quittons Vitruve ensemble avec votre magnéto et votre unique valise que vous n'aurez plus désormais à refaire sans cesse. Tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore. J'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai un appartement. Vous, mon piano, vous avez une place pour vous seul. Quel luxe ! Je suis installée. Le bonheur que j'éprouve à pousser la porte et tout de suite à vous voir. À Rémusat, je ressens le désir d'écrire, le besoin d'écrire. Jusqu'à présent, je n'ai écrit que deux chansons, mais je sens qu'en moi, les mots bougent et se cognent, ils veulent sortir les mots. Ils s'agitent, ils s'entremêlent, se conjuguent pour dire ce que je n'arrive pas encore à expliquer. Ils vont filtrer, sourdre, jaillir de mes veines. Ils me font peur et me fascinent à la fois. Je ne comprends pas d'où ils viennent, ni l'état de fébrilité où je suis lorsqu'ils me viennent. J'entends la musique et le texte en même temps. Je ne suis pas quelqu'un qui écrit vraiment. Les chansons viennent comme elles viennent. Quand vous viviez encore à Vitruve, vous aviez connu un étudiant grec qui vous avait initié à André Breton, Maïakovski, Louis Aragon, Paul Éluard, Queneau, Desnos. Vous alliez au quartier latin hanter les vieilles librairies. J'aimais me perdre seul dans ces lieux de pénombre et y renifler les mots, les savourer. Les livres m'intimidaient, me faisaient rêver. Vous avez commencé à lire Genet, Proust, Baudelaire et Colette. Il me semblait que je ne retenais rien de ce que je lisais. Je rencontrais des personnages légendaires, traversais les siècles, m'enroulais dans les spirales de la folie, m'engloutissais dans les profondeurs de ces nuits d'asphalte. Et puis brusquement, j'ai cessé de lire. Vous n'avez plus lu. Rien. Plus rien du tout. Vous avez oublié ce que vous aviez lu. Oublié. En fait, les mots, au lieu de rester dans ma mémoire visuelle, se sont agglutinés dans ma mémoire tactile. Et aujourd'hui, je sais que ce sont ces mots-là qui bougent au bout de mes doigts, qui cherchent à sortir de tout mon corps. C'est ce qui se passe justement ce jour-là, Rémusa. Les mots se pressent au bout de mes doigts. J'ai envie d'écrire. Vous êtes toujours à l'écluse, mais vous aimeriez bien prendre votre envol. Gilbert Sommier vient de créer les Mardis de la chanson au Théâtre des Capucines. Il vous demande de venir y chanter tous les mardis du mois de novembre 1963. Mes frères, ma sœur et ma mère acceptent de venir ensemble ce premier mardi de novembre. Et j'en suis à la fois heureuse et très impressionnée. La veille à la répétition, je couvre de mots tout un cahier de feuilles qui finissent froissées, jetées, déchirées, mais je sens, à la difficulté que j'ai à écrire, que la chanson Nantes est sur le point d'être achevée, 3 ans après la mort de mon père. De fait, le lendemain soir, vous la chantez, accompagnée à la basse par François Rabat. Vous êtes tellement ému de savoir votre famille dans la salle que François doit reprendre plusieurs fois l'introduction avant que vous arriviez à chanter. Ma mère trouve la chanson très belle. J'ignore pourquoi mon père avait choisi cette belle ville pour y finir sa vie. Plus tard, lorsque je partirai en tournée et que j'arriverai à 100 de kilomètres de l'estuaire de la Loire, je serai prise d'une sorte d'étouffement. Il me faudra longtemps avant de pouvoir entrer calmement dans Nantes. Chaque fois, je vais en cachette au cimetière pour y déposer des fleurs. Les mots se remettent à écrire tout seuls. Plus tard, c'est « à mourir pour mourir » qui vient avec le rythme de la musique. Je ne veux pas attendre, je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle, qu'on ne me voit jamais fanée sous ma dentelle, fanée sous ma dentelle. Et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos aubes plus claires, vous pouvez vous faire l'enlair. J'ai vu l'or et la pluie sur les forêts d'automne, les jardins alanguis, la vague qui se cogne, la vague qui se cogne. Et je sais sur mon cou la main nue qui se pose, et j'ai su à genoux la beauté d'une rose, la beauté d'une rose. Et tant mieux s'il y en a qui les yeux pleins de lumière ont préféré les combats pour aller se faire l'enlair. Au jardin du bon Dieu, ça n'a plus d'importance qu'on s'y couche amoureux ou tomber pour la France, ou tomber pour la France. Il est d'autres combats que la fin des mitrailles. On ne se blesse pas qu'à vos champs de bataille, qu'à vos champs de bataille. Et ne comptez pas sur moi s'il faut soulager mes frères. Pour mes frères, ça ira. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Si c'est peu, si c'est rien, qu'il décide eux-mêmes. Je n'espère plus rien, mais je m'en vais sereine, mais je m'en vais sereine. Sur un long voilier noir, la mort pour équipage. Demain, c'est l'au revoir, je quitte vos rivages, je quitte vos rivages. Car mourir pour mourir, je ne veux pas être. Puis, une nuit, pendant mon sommeil, j'entends distinctement les paroles et la musique du Petit Bois de Saint-Amand. Je rêve que je l'enregistre sur mon magnétophone. Le lendemain, à ma grande stupéfaction, la chanson est presque composée. S'en va, le voilà le printemps. Il y a nos 15 ans qui s'affolent dans le Petit Bois de Saint-Amand. Avec Claude Dejacques, votre nouveau directeur artistique, vous découvrez le travail exaltant du studio, le travail de jongleur du preneur de son. Je ne tripote pas encore les boutons de la console, mais ça ne va pas tarder. Les sons me fascinent. et je découvre le spectre de ma propre voix. J'apprends ainsi que l'émotion et le rire sont parfois au bout du souffle, et je veillerai toujours à ce que le son ne soit pas aseptisé, qu'on respecte les modulations, les intonations de ma voix et mes respirations, qui sont la vie même. Je me suis souvent battue pour ça. Au bout du compte, vous mettez 8 mois avec Claude Dejac pour réaliser ce premier disque entièrement écrit par vous et qui sort en septembre 1964. Vous avez 34 ans. Il y a un arbre pigeon vole, mon cœur vole, pigeon vole et s'envole. Il y a un arbre pigeon vole. Au début de cette même année, Gunther Klein, jeune directeur d'un théâtre de Göttingen, vient à l'Écluse m'engager. Je refuse. Pas question d'aller chanter en Allemagne. Il insiste, décrit son théâtre de 100 places, parle des étudiants qui vous connaissent. Je continue à décliner l'invitation. Je ne souhaite pas aller en Allemagne. Pourtant, le lendemain, vous décidez brusquement de dire oui à Gunther, à la seule condition de pouvoir disposer d'un piano demi-queue noir. Je pars donc pour Göttingen, seul et déjà en colère d'avoir accepté d'aller chanter en Allemagne. Un énorme vieux piano droit orné de 2 chandeliers d'argent trône sur la petite scène du Jungen Theater. Lorsque je m'assieds face à ce mastodonte sur mon tabouret réglé à 61 cm, je ne peux entrevoir qu'une faible partie de la salle. J'essaye en vain de faire bouger ce piano si lourd. Aucune possibilité de voir le public ni d'en être vu. J'avais mis une condition à ma venue, un demi-queue noir. Gunther s'y était engagé. Il m'est impossible de m'accompagner sur ce piano-là. Gunther affirme que vous devrez pourtant vous en contenter. Je vais m'asseoir dans la salle, au premier rang, en répétant à Gunther que je n'en bougerai pas tant que je ne verrai pas le piano de concert noir promis à Paris. Il ne s'agit pas là d'un caprice, mais pour moi d'une impossibilité absolue. Gunther vous informe qu'il y a depuis la veille au soir une grève des déménageurs de pianos. Voilà qui change tout. Je passe de la colère à la tristesse. Puis Gunther disparaît brusquement et revient avec 10 étudiants joyeux parlant fort bien le français. L'un d'eux connaît une vieille dame qui accepterait sans doute de nous prêter son piano de concert. Tout ça prend beaucoup de temps. Le spectacle devait commencer à 20h30... Gunther explique le pourquoi de notre retard à un public surpris, qui décide néanmoins de patienter. À 22h, porté par 10 grands gaillards blonds, un piano de concert noir fait son entrée sur la petite scène du Jungen Theater. La soirée est magnifique. Gunther prolonge mon contrat de 8 jours. C'est dans le petit jardin contigu au théâtre que je gribouille Göttingen, le dernier après-midi de mon séjour. Le dernier soir, j'en lis et chante les paroles sur une musique inachevée. Je dois donc cette chanson à l'insistance têtue de Gunther Klein, à 10 étudiants, à une vieille dame compatissante, à la blondeur des petits-enfants de Göttingen, à un profond désir de réconciliation mais non d'oubli. Et comme toujours, je dois aussi cette chanson au public. À Göttingen et que personne ne s'offense mais les contes de notre enfance il était une fois commence à Göttingen bien sûr nous avons la scène et puis notre voix de scène mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen nous avons nos matins blêmes et longs grise de Verlaine, c'est la mélancolie même à Göttingen, quand ils ne savent rien nous dire, ils restent là nous sourire, mais nous les comprenons quand même, les enfants blonds de Göttingen, et tant pis pour ceux qui s'étonnent et que les autres me pardonnent, mais les enfants ce sont les mêmes, à Paris ou à Göttingen, au fait que jamais ne revienne le temps du sang et de la haine, car il y a des gens que j'aime à Göttingen, et lorsque sonnerait l'alarme, s'il allait reprendre les armes, mon cœur verserait une larme pour Göttingen. Cette même année 1964 arrive le jour où vous allez quitter l'Écluse. Le temps est venu. J'y étais bien, j'y ai beaucoup appris. C'est aux 70 spectateurs que contenait l'Écluse que je dois d'avoir un jour rempli les 3000 places du chapiteau de la Porte de Pantin. Mais je sens que je dois partir. L'important, c'est d'être soi, d'être sa vérité. Le quai des Grands Augustins s'éloigne. Je reprends la route. Gewiss, dort gibt es keine Seine und doch den Wald nicht von Vincennes. Doch gäb's viel was zu sagen blieben von Göttingen, c'était, Paris, man il était un piano noir. D'après les mémoires interrompues de Barbara. Quatrième épisode. Devenir Barbara. Avec Sophie Doll, Barbara, Claude Aufort, le piano noir. Adaptation Sophie Lem. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage, mixage Claude Nior, Martin de la Fosse. Assistante à la réalisation, Cécile Lafont. Réalisation, Juliette Eman. Il était un piano noir, Mémoires interrompues de Barbara, et publié aux éditions Fayard. Doch traurig stimmt es auch Franzosen in Göttingen, kommt es mit Worten nicht mehr weiter, dann weiß es, Lächeln ist gescheiter, es kann bei uns noch mehr erreichen, das blonde Kind in Göttingen. Was ich nun sag, das klingt freilich für manche Leute unverzeihlich, die Kinder sind genau die gleichen in Paris wie in Göttingen. Lasst diese Zeit nie wiederkehren und nie mehr Hass die Welt zerstören. Es wohnen Menschen, die ich liebe, in Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig bliebe von Göttingen, tididi, tididi, tididi. Es blühen wunderschöne Rosen in Göttingen, doch sollten wieder Waffen sprechen, es würde mir das Herz zerbrechen, wer weiß, was dann noch übrig bliebe von Göttingen, von Göttingen.